voulez pas baisser un peu des lances? On va lui faire ça bas maintenant. C'est toi qui me dis, hein, c'est toi qui vois. Hein. Fais un cadre avant. Fais un cadre, regarde aux 50 ce que ça donne. Ah ouais, 85. Comme touch. Thank you.